Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et Radio RGB.net. Alors, Lara Rouche, on va parler ensemble de la deuxième saison pour cette résidence territoriale qui est engagée avec Jean-François Auguste et sur un thème dont il a parlé effectivement au cours de cette interview, un thème qui va être partagé, qui est déjà partagé auprès du public qui participe et qui profite de cette résidence artistique. Alors ce sont, comme l'an passé, trois établissements scolaires du Val d'Oise, donc à savoir l'école élémentaire L'Ermitage à Pontoise, qui là rassemble trois classes de CM1, CM2, donc environ 80 élèves au total, le collège Pablo Picasso à Irani et enfin le collège Gérard Philippe à Cergy. Le thème, rappelons le thème pour ceux qui nous écoutent. Le thème, c'est NAPI, donc c'est ce mouvement afro-américain qui est né dans les années 2000 et qui, en fait, vient d'une population noire qui revendique son identité, donc en opposition au dictat peau blanche, cheveux lisses, vraiment revendiquer le cheveu tel qu'il est, donc c'est-à-dire le cheveu crépus. Travail en direction des établissements scolaires, ça veut dire quoi concrètement? Il y a des intervenants qui vont sur place, combien sont-ils? Oui, exactement, donc il y a plusieurs intervenants puisqu'il y a plusieurs phases dans ce projet-là, donc il y a eu pour commencer une séance avec SOS Racisme pour vraiment sensibiliser les élèves justement à la question du racisme qui est de ce fait intimement lié aux cheveux, puisque en fait cette résidence NAPI, c'est la volonté de partir de notre caractéristique propre qui est le cheveu pour progressivement la dérouler et montrer qu'à partir de ce cheveu-là, il peut y avoir des situations de discrimination, de racisme. Donc il y a une première phase avec des comédiens qui vont travailler sur des situations d'improvisation liées au racisme. Et à partir de ces situations théâtrales, va intervenir à la fois une photographe et une dessinatrice de BD pour transformer en fait ces situations théâtrales en affiches, en planches de BD qui seront en fait exposées en fin d'année dans une exposition itinérante. Avec même création d'une bande dessinée, c'est ça? Exactement. Donc pour rentrer un peu dans le détail, ça concernera essentiellement le collège Gérard Philippe, puisque les deux autres établissements scolaires vont eux travailler plutôt sur l'aspect photo. Et le collège Gérard Philippe, effectivement, va créer plusieurs planches de bande dessinée qui seront en fait issues des situations théâtrales qui auront été éprouvées. Avec, dans le déroulé de cette résidence, une dernière séance qui va permettre de regrouper les trois établissements. Oui, la première année de résidence avait été rendue possible seulement en fait au moment où l'œuvre des élèves avait été exposée à Point commun lors d'une exposition. Là, donc, c'est vraiment une séance qui va être prévue en fin d'année, donc juste avant que cette exposition soit conçue, de telle sorte en fait à ce que tous les élèves participant à cette résidence puissent enfin se rencontrer. Déjà, ils se rencontreront en décembre à l'occasion d'une répétition de Love is in the Air, mais là, ce sera donc le moment où ils se rencontreront, où ils échangeront, où ils se présenteront mutuellement le travail, de telle sorte en fait à aussi pouvoir échanger sur les différentes problématiques qu'ils ont traversées pendant cette année de résidence territoriale. Merci Lara Rouche, responsable de l'éducation artistique et culturelle à Point commun. C'était sa première interview, alors effectivement on peut l'applaudir parce que effectivement ce n'est pas aussi simple que ça de venir se présenter au micro, que ce soit de cette radio locale ou de tout autre micro. Merci Lara.